pas assez de questions. Les gens sont obligés de t'aider. Mais... Ou que tu réponds mal à mes questions. J'apprends. Pas drôle. On commence? Hein? Ne croyant plus à l'amour, je me proposais de ne pas assister à la petite fête sociale de la Saint-Valentin, mais, trois petits points, j'y suis tout de même allé. J'essaie de ne plus boire de boissons alcoolisées et j'avertis la responsable de servir de l'eau dans ma coupe. Ce qui fut fait, mais je suis parti de la fête avec dans les mains une bouteille de vin, car j'étais l'heureuse gagnante. Alors, l'heureuse, entre guillemets. Alors, j'ai ri comme je trouvais ça très con. Pourquoi tout ça? Juste pour vous faire rire. Vous savez, l'énergie qui est placée sur la planète Terre pour faire rire l'humain. Minimum, l'être humain. Mais l'animal humain, il peut pas rire. Lui, il en souffre. La personne, elle peut aussi prendre sa bouteille de vin, la boire au complet pour oublier qu'elle l'a gagné. Mais effectivement, c'est typique. Plus les personnes, plus vous allez vous conscientiser, vous allez voir qu'à un moment donné, plus il y a des démarches exactement aussi précises que ça qui vont commencer à vous tourner autour de la tête. Pourquoi? Ben uniquement parce qu'elle a juste à prendre sa bouteille de vin puis trouver ça drôle. Elle peut découvrir réellement que la théorie, ben, c'est pratique. La mécanique, elle est là en maudit. Eh bien, faites en maudit la mécanique parce que tu es conscient de tout ça, elle est consciente de tout ça, puis elle gagne tes doigts. Parce que c'est toujours comme ça. L'astral fait tout pour récupérer celui qui se conscientise, celui qui veut arriver à une libération à sa conscience. Tout sont des processus de récupération. Alors, il aurait pu, par exemple, y avoir, au lieu d'avoir son verre d'eau, il aurait pu y avoir de la boisson. Elle peut demander trois fois à la personne, c'est pas ça que je veux. Elle s'excuse, la personne, parce qu'il y a toujours de la boisson. Là, le gars a sa bouteille de vin, Mais c'est extrêmement démarquant, assez qu'il y a énormément de personnes qui se conscientisent, que vous ne connaissez pas, mais qui pourraient vous en parler de comment précis, comment amusant c'est fait. C'est vrai qu'il y a des mécaniques qui font tout pour manipuler l'humain, pour que l'humain ne se libère pas. Parlant de manipulation, une fille que tu aimes personnellement, c'est la personne qui écrit ça, te rejette car tu es gros. Est-ce qu'elle se fait manipuler? Non, lui se fait manipuler. Si vous seriez mince, elle vous rejetterait à cause de votre nez. Bon. Mais si votre nez serait parfait, elle vous rejetterait peut-être parce que vous êtes trop mince. On cherche toujours des façons méritoires. La personne, elle peut commencer un régime, suivre un régime, maigrir énormément, puis la personne va finir par être avec. 2 ans après, ils vont chicaner puis vont encore se séparer. Pire, ils vont recommencer à engraisser après, donc en partant. La raison restera. Il faut faire attention. Une fille que tu aimes personnellement, c'est mieux de l'aimer personnellement, oui, ça c'est sûr. Bon. Te rejette car tu es gros. L'évolution méritoire, pourquoi se contenter d'aimer seulement un humain? Pourquoi se contenter d'espérer que tout ce qu'on voudra vivre à un moment donné, se limiter à devoir le vivre uniquement avec un seul être humain? Ça, j'ai essayé d'expliquer ça à ma femme. C'est bien délicat. Mais ta femme, elle est dans le tort, puis toi aussi. Comment tu fais pour expliquer ça? Faut que tu en aimes 3 ou 4, ça va être bien. Pour la simple raison que moi, je te parle d'amour. Autrement dit, je te parle pas d'amour. Je te parle d'une vibration qui est au-delà de ce que l'amour appelle, l'amour psychologique ou l'amour sélectif, l'amour conditionnel. Mais c'est comme de dire, quand tu as un enfant, est-ce que tu as des enfants? Oui. Bon, tant pis. En tout cas, mes enfants ont tant pis. Ont un parent. Parce que tu aimes ta femme, nécessairement, tu n'aimes pas tes enfants. Ça va de soi. Ben non, ça se multiplie, ça se divise pas. Je comprends pas, là. Ben, tu peux m'aimer. Je peux aimer mes enfants. Le fait d'avoir des enfants, ça ne va pas empêcher de m'aimer ma femme. Ah, ben, il faudrait qu'on s'entende. Quand tu as eu un deuxième enfant, vu que tu aimais le premier, tu ne peux pas aimer le deuxième. Ah oui. Mais si tu peux aimer le deuxième, tu ne peux pas aimer le troisième. Ben oui. Ça, elle comprend. Pourquoi elle le comprend? Parce qu'elle le vit. C'est ça qui est le problème. Tout ce qu'elle ne vit pas, elle ne peut pas le comprendre. Parce que si elle évolue à partir de la mémoire, de l'expérience, elle n'a pas été confrontée à l'expérience. Elle ne pourra pas le comprendre. Les archétypes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que l'homme devient la possession de la femme, que la femme devient la possession de l'homme. Surtout la femme, hein? C'est mari et femme. La femme, c'est l'objet. Bon, c'est pas mari et mari. C'est pas marié et marié, c'est mari, femme. C'est ça, mari et homme. Là, ouais, messieurs, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous êtes maintenant mari et homme. C'est évident, je suis un homme, c'est ça. L'autre vient de changer de crâne. Toi, t'es toujours l'homme. C'est ça. Le marié vient de changer de crâne. La femme reste la femme. Mais les archétypes font que, parce que il y a eu un moment donné où c'était essentiel que les mélanges génétiques à travers des petites tribus cessent de se faire consanguinement, parce qu'à un moment donné, le bonhomme, il avait des enfants avec sa soeur, sa belle-soeur, enfin, ses cousines, etc. On avait des torts génétiques. À un moment donné, c'était extrêmement intelligent d'implanter une peur dans la conscience de l'homme et de la femme pour les forcer à s'unir pour la vie. Alors qu'à l'époque, on vivait 30 ou 35 ans, c'était quand même assez facile de s'unir pour la vie. Aujourd'hui, à 70 ans, c'est plus compliqué. Et de s'arranger pour que le nom de famille apparaisse, premièrement, ce qui fait que tu ne peux pas, normalement, si tu t'appelles Charles Villeneuve, tu ne devrais pas marier Carole Villeneuve. Les noms de famille ont été amenés, à un moment donné, comme gage de préservation de la génétique. Bon. Après ça, ça s'est perdu dans la tradition, mais quand même. Sauf que ce n'est pas écologique, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas convenable de devoir limiter totalement son amour à une seule personne. La personne ici, elle aime une femme, mais elle aime la femme pourquoi? C'est un homme. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle aime la femme, premièrement pour son corps physique. On peut s'attendre, je ne dis pas que c'est ça, mais on peut s'attendre. Parce que ce sera pas long, ça va être pour ça, de temps en temps. Enfin, alors, il aime la femme pour son corps physique, il aime la femme peut-être aussi parce qu'elle est intelligente. La problématique, c'est que les archétypes font toujours cela avec la majorité des mâles. On va en parler peut-être un peu à un moment donné. C'est que tu l'aimes parce qu'elle est intelligente, puis parce qu'elle est intelligente, tu l'aimes plus, puis l'archétype te dit que quand tu aimes une femme, ben, faut que tu couches avec. Fait que c'est pas long, qu'elle veut pas, on se remonte toujours à la même place, dans la même pièce. Alors, la personne, elle dit, bon, l'autre me rejette parce que je suis grosse, qu'elle est manipulée. Elle est totalement manipulée. Et que vous l'aimiez, vous êtes aussi totalement manipulée. Parce que sinon, je disais à la personne, ben, décide d'en aimer l'autre. Ben, tu peux-tu prendre ton amour? Puis, changer de personne? Non. Les deux sont manipulés. Ou on doit plus se servir de c'est une agression interne, ce genre de manipulation-là. S'en servir comme trempin évolutif? Ben, effectivement, oui. Imaginez que la première femme que vous rencontrez, le premier homme que vous rencontrez, vous tombez en amour avec. Le terme est extrêmement juste. Tomber en amour. Pourquoi? Parce que l'amitié est dissoute, l'amitié est démolie, puis à un moment donné, on se manipule l'un l'autre. Bref, le respect s'en va aux poubelles. Puis à un moment donné, quand on veut être sûr qu'on va pouvoir se payer le luxe de posséder l'autre, puis on peut aussi le marier, on signe un contrat, tout quoi. Bon. Après ça, dernièrement à la radio, quelqu'un disait, oui, mais ceux qui ne se marient pas, c'est ceux qui ont peur. Non, mais ceux qui se marient, c'est peut-être aussi ceux qui ont peur. Il faut marier, l'autre ne peut pas s'en aller de même. Sauf que c'est pas ça l'idée. Les deux sont manipulés, dans l'un comme dans l'autre. Il n'y a pas suffisamment de conscience. Sauf que la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle doit s'arranger pour comprendre qu'elle est manipulée à aimer. Si c'est la première femme qu'elle rencontre, dans un an d'ici, peut-être qu'elle va trouver 10 fois mieux. Sauf que la mémoire. Mais tant que tu y as goûté, tu veux continuer à t'alimenter de sa présence. C'est le problème. Puis l'autre, elle ne veut pas s'alimenter de ta présence. Mais elle a le droit. C'est une manipulation, oui. Mais elle a le droit pareil. Ça ne sert à rien de vouloir, par exemple, trouver un truc pour la manipuler. Elle peut être manipulée à nous accepter. Chose est certaine. On a fait une conférence sur l'abondance. Début janvier. Abondance de temps et d'argent. Pour avoir du temps et de l'argent, vous devez absolument vous vivre avec des individus qui vous sont autorisés. Vous avez à travailler pour avoir une femme, c'est méritoire. Vous avez à travailler pour avoir un homme, c'est méritoire. Si vous voulez travailler pour rien, continuez. Ah, je l'ai eu! Ben beau. Mais dans 5 ans d'ici, regarde, ça va passer 5 ans de ta vie à la conserver, à travailler pour qu'elle reste là, à avoir peur, à être jaloux, à être stressé, etc. Rencontre le bon être humain, puis il n'y aura aucun problème. C'est mieux qu'elle tombe dans les bras que tu tombes en amour. Non. Non. Quelles sont les 12 lois d'évolution? Petite question facile comme ça, comment? Quelles sont les 12 lois de l'évolution? Les 12 lois d'évolution, les 12 lois cosmiques. Compte-les. Être vivant. Ça fait comme niaiseux, hein? On n'évolue pas dans le monde de la mort. Bon. Donc, quand on est mort, on est stagnant. On attend. On n'évolue pas. Être vivant. Je vais élaborer sur... Il y a des lois qui touchent l'animal humain, des lois qui touchent l'être humain ou l'humain, il y a des lois qui vont toucher l'être. Être vivant, première chose. Deuxièmement, être confronté à des problématiques pour pouvoir connaître l'événement. Donc, effectivement, phase non pas de souffrance, mais phase d'expérience. Premièrement. Deuxièmement, on doit obligatoirement être capable de transférer, de transmuer, c'est une des lois, donc de faire de la philosophie. On doit être capable de transférer l'expérience matérielle en cosmologie de compréhension. On doit être capable de faire de la philosophie. Bon. Cette philosophie, si on ne peut pas la créer, on doit être capable d'accepter celle des autres. Donc, collectiviste, religion. Ça va. C'est mieux. C'est bon. Que ce soit celle de Lao Tzu, de Bouddha ou de Jésus, c'est bon. Par la suite, on doit nécessairement être collectivisable. On doit être collectivisable, cela va préserver la première loi, rester en vie. L'humain n'a pas suffisamment de puissance dans sa conscience pour être capable de résister s'il ne se sent pas dans une grande famille, avec un père créateur ou une mère créatrice, ou des choses du genre. 4. La cinquième loi d'évolution, il y en a évidemment, il y en a peut-être 200-300 lois, on prend les plus importantes. La cinquième loi de l'évolution, c'est la capacité de développer de l'intellect. C'est la capacité d'essayer de comprendre l'univers à partir d'une vision mathématique, d'une vision cartésienne. Si l'homme ou la femme n'est pas capable, à un moment donné, d'intellectualiser, il se laissera toujours omnibuler par sa foi et sa croyance. La sixième loi, c'est de parvenir à une scission entre les deux, de savoir ce que tu sais et de savoir ce que tu ne sais pas. Quand tu arrives à savoir ce que tu sais et à savoir ce que tu ne sais pas, tu es capable de savoir ce que tu crois savoir, est capable de savoir ce que tu as à la foi. Donc, tu peux maintenant te dire, je crois à la réincarnation, donc je ne sais pas qu'elle existe. Et cela va faire une chose, c'est qu'à un moment donné, ça va purifier toute ta démarche d'évolution, et ça va faire en sorte qu'énormément de tentatives de manipulation à partir de ta croyance, de ta foi, ne pourront plus te manipuler parce que tu as fait une scission entre ce que tu sais ne pas savoir et ce que tu sais savoir. Pour cela, elle permet de parvenir, évidemment, à bien cellulariser, à bien vibrer, ce que veut dire le mot savoir. Savoir, c'est science. C'est instantané. C'est pas connaissance. Vous savez que vous vivez. Bon, pas parce que vous l'avez appris dans un livre. C'est pas nécessaire. On sait qu'on a une conscience. Parlez-moi-en, vous n'êtes pas capable? Je suis d'accord. On n'a pas d'archétype pour en parler. Mais on le sait. Bon, savoir. Par la suite, l'être humain qui sait ce qu'il sait et qui sait ce qu'il ne sait pas, doit nécessairement en arriver à comprendre, c'était extrêmement important, à avoir un discernement entre le mental et l'astral, ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire être capable de discerner lorsque c'est nous autres qui voulons faire une chose et lorsque nous faisons ce que nous ne voulons pas faire ou lorsque nous ne voulons pas ce que nous voulons faire. Au niveau d'évolution, c'est extrêmement utile. Disons important, émotivement, mais c'est utile, d'être capable de finir par non plus uniquement savoir ce que l'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas, ce que l'on croit, mais être capable aussi de savoir ce que je suis, comparativement à ce qui habite aussi avec moi. Ce n'est pas la même chose. Bon, je ne suis pas pressé, je ne suis pas stressé. Oui, mais tu as fait 2 infarctus. Mon corps a fait 2 infarctus parce qu'il y a un imbécile d'animal là-dedans qui contrôle tout, qui sécrète à ma place, qui prend la conscience, qui dirige le corps, etc. C'est pas moi. Je conduis mon automobile, puis quand toi tu es à côté, tu décides d'appuyer sur mon pied pour écraser l'accélérateur, ça sert à rien que je me fasse une philosophie, puis que je me fasse des problèmes. Comment ça se fait que j'accélère, maudit, je veux pas accélérer? c'est l'autre à côté qui accélère. C'est bien simple. On est dans le même véhicule. Mais comment tu fais pour le frapper, lui, puis c'est à grande et haute. Dans une automobile, c'est pas trop, c'est pas trop difficile. Dans la vie? Dans la vie, tu ne peux pas. En observant qu'il fait ça, est-ce que ça fait le même résultat? Est-ce qu'il se pousse? Pour parvenir à faire cela, il va falloir que tu commences à appliquer une autre loi. La huitième. L'autre loi, c'est la capacité de néotyper. Cela veut dire, elle est très associée à la neuvième loi, la capacité de s'individualiser maintenant. S'individualiser, même bien vient avant. La huitième, s'individualiser, la neuvième, néotyper. S'individualiser veut dire cesser d'être tributaire de l'accréditation des autres. Est-ce que je suis bien habillé? Ça ne vous regarde pas. Est-ce que je mange bien? Ça ne vous regarde pas. Mais est-ce que je crois au bon Dieu? Ça ne vous regarde pas. Cesser de continuellement se remettre en question parce qu'on essaie de se normaliser. On se demande toujours si on est correct de faire comme ça ou de penser ceci ou de dire ceci ou de manger cela. Quand une personne te dit « Oui, mais là, on ne sait plus quoi manger. » Il y a des livres qui disent que les épinards, c'est bon. Et un autre livre, deux ans après, disent que les épinards, il y a des toxines là-dedans que le corps ne gère pas et qu'il y a 6000. Il y a des livres qui disent que les œufs, c'est bon. Il y a du cholestérol bon pour la santé. Il y a des livres qui disent que ceux qui meurent de crise de cœur, ils ont mangé trop d'œufs. On ne sait plus. C'est ça. Individualise-toi maintenant. Pourquoi qu'il y a tant de confusion? C'est uniquement pour que « Fiez-vous plus à rien. Fiez-vous à ce que vous percevez. » Mais pourquoi l'être humain doit parvenir à cette loi, c'est de s'individualiser, parvenir à faire confiance à ce qu'il sent? Oui, mais je peux me tromper. En lisant ce que les autres ont dit, on peut aussi se tromper. T'as qu'à se tromper. Au moins, on va le faire avec soi-même. C'est plus facile de corriger les choses. La neuvième loi, donc, néotyper. Néotyper veut dire créer de nouvelles modes dans lesquels nous allons nous accepter. Puis s'il y en a d'autres qui veulent suivre, tant mieux, parce que plus il y a de gens qui vont embarquer dans notre mode, moins il y aura de gens qui vont vouloir nous changer. Alors, ça va faciliter simplement le « oui, je connais, oui, je le sais, lâche-moi ». Bon, à un moment donné, le monde finisse par faire comme vous. Bon. Néotypé, archétype veut dire vieille forme. Alors, un archétype de couple. Quand ils sont en couple, bien souvent, il faut absolument qu'ils s'astinent, qu'ils s'obstinent, qu'ils s'engueulent, qu'ils se disputent, qu'ils ne se parlent pas. Les discussions les plus intéressantes sont rarement à travers un couple. Ah, dans le début, oui. Mais à l'instant où ça devient comme un couple, ben là, on parle toujours des mêmes bébelles. Alors là, on a un problème, puis on ne peut pas... Bon, là, tu chasses avec l'autre, tu chasses avec l'autre. Avec les amis, ça va bien. L'archétype du couple fait que l'être humain qui est en couple doit s'enclumer les uns les autres. Lui devient une enclume pour lui devient une enclume pour elle. On peut briser ça. On est au type. Est-il possible qu'un couple puisse vivre aussi énergétiquement, aussi pétillant que s'il n'était pas en couple? Ben oui, mais ça c'est un néotype. Si vous cherchez dans les traditions, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu. Alors l'humain essaie de néotyper, doit parvenir à néotyper, qui est extrêmement comme loi, la neuvième. La perfection dans l'art de réfléchir de l'intelligence, néotyper. Bon. Après le néotypage, il doit y avoir l'utopisation. L'utopisation, la dixième loi, c'est une loi qui permet l'attraction de mémoires réincarnatives qui proviennent de l'avenir. En même temps, cela permet d'engendrer des néotypes dans l'ego qui obligent l'ego à accepter des choses belles. Vous savez, quand notre ego nous fait dire « ça m'inquiète, c'est trop beau pour être vrai », c'est ça le problème. Alors, chaque fois que ça va bien, on attend le pot. L'utopisation, c'est la capacité qu'aura la conscience mentale d'instruire dans l'ego, dans la psychologie de l'homme ou de la femme ou de l'enfant, des mécaniques, des visions plus parfaites, plus écologiques, plus conséquentielles, plus paradisiaques de ce qu'il veut vivre. Cessons de faire des maudits téléromans qui nous montrent toujours comment à cave on est. On ne peut pas en faire de temps en temps qui nous montrait comment on aimerait être. Oui, mais les gens, ils ne se retrouveront pas dedans. Il y a une fibre sensible chez chacun des humains qui va se retrouver dedans. Jonathan Livingston, là, il y a 72 imprimeurs et éditeurs qui ont dit à Richard Bach, c'était con son affaire. C'est un imprimeur, pas un éditeur, un imprimeur petit qui l'a mis sur le marché. Ben, ils l'ont fait un film. Ils en ont fait un disque. Ils ont fait, etc. Ben oui, il y a toujours une place, sauf qu'on l'utopise pas, on veut pas utopiser. Alors, comment faire rêver l'humain? Faisons un film sur Saint-François d'Assise. Ben, Richard Bach, à un moment donné, lui, était manipulé à faire un néotype, il a fait le même film sur Jonathan Livingston, un moineau. Ben, le gars est là. Néotypé. Alors, c'est une des lois très, très importantes, le 10, néotype. Néotype, 10, 10, c'est le chiffre 1 plus 0. 1 plus 0, c'est le 1, 1, c'est le départ. On a vu le départ tout à l'heure. Là, le néotype, c'est qu'on se relance dans une forme d'évolution. Le néotypage est extrêmement important pour soi comme pour l'extérieur. La 11e loi, on peut en parler, ça commence à être un peu éloigné. On aurait pu, évidemment, prendre 12 lois plus proches de l'humain, mais merde, il faut aussi qu'on aille chercher quelque chose de neuf. La 11e loi, c'est une loi qui fait que l'humain doit totalement faire ça. L'humain doit appliquer les lois de l'abondance, c'est-à-dire que c'est le chiffre 11, la 11e loi, qui est un symbole extrêmement passif au niveau universel, le chiffre 2. Et l'homme, la femme, l'enfant doit, pour appliquer la 11e loi, totalement vivre en fonction de l'attente active. Totalement vivre, conscient qu'il n'a pas de libre arbitre sur le plan planétaire, puis que les événements vont lui ouvrir des portes qu'il n'aura qu'à y aller. Cesser de travailler dans le mérite. Donc, il doit passer à l'initiation solaire, c'est-à-dire qu'il doit lentement lâcher toute évolution méritoire, l'évolution lunaire. T'es plus un martyr, t'es un chanceux. T'es plus une martyr, t'es une chanceuse. En réalité, t'es pas une chanceuse. T'es là au bon moment quand il le faut. Comment ça se fait? Parce que tu prends pas de décision majeure. Puis mieux, à un moment donné, tu n'en prendras pas de décision. Mais on ne peut pas ne pas prendre de décision si on n'a pas déjà commencé à néotyper, si on n'a pas déjà commencé à appliquer d'autres lois. Non, on ne peut pas décider, par exemple, mais c'est elle qui a le plus fun, fait que je pars de là puis je fais ça. Ben non. Tu es encore assujetté aux lois PCN, donc nécessairement, si tu ne prends pas de décision, on va prendre ta place, ça ne sera pas bien beau. La deuxième loi, c'est d'oublier tout ce que j'ai dit, puis de se laisser vivre. Être transparent. Être transparent, c'est ça. La transparence transcende. Ça veut dire quoi? T'as le goût de, tu montes dans ton bain sur la pente de ski, tu trouves ça con, ben tu redescends. Sans souffrance, sans problème, tu redescends. Le gars en bas, il te demande, comment c'est que tu redescends? Mais je redescends parce que le monde pente, c'est un descente pente. C'est simple. Tu t'amuses, tu laisses tomber. C'est parfait. Puis tantôt, tu as dit à la 11e, si tu veux appliquer la 11e, il faut que tu appliques les 10 premières. Mais dans le cas de la 12e, est-ce que ça exclut les 11 premières? Tu peux appliquer que la 12e. Oui, ça ne pourra pas rien dire parce que tu ne pourras pas appliquer la 12e. Théoriquement. Théoriquement. En tout cas, tu n'achèteras pas de Doberman. La vie n'a pas de goût ni de valeur si on ne met pas d'émotion ou d'amour dedans. Que dois-je faire pour aimer la vie? Qu'est-ce qui manque pour avoir un intérêt à la vie et sans émotion? Voyez-vous, on peut manger une assiette pour s'alimenter. On peut ne pas trouver ça aussi plaisant au goût qu'un gâteau au chocolat. Alors, pourquoi on mangerait la maudite assiette? Ben effectivement, on mange un gâteau au chocolat. Mais quand l'individu commence à se conscientiser un peu de l'animal humain, il commence à se transférer vers l'être humain, ben, à un moment donné, il commence à décoder que ça a peut-être bien du goût, l'autre, mais c'est ça qui me tue. Aussi con que ça puisse être. Alors, progressivement, il y a des mécaniques qui commencent à créer des inhibitions. Ça, on va revenir la semaine prochaine. Ils commencent à créer des inhibitions pour qu'elle ne puisse plus manger du gâteau. Donc, la vie, elle commence à être inhibée en face d'un paquet de facteurs. D'où perte de gustation de la vie. Puis ça va là-dedans, émotivement. Pourquoi maintenant devrait-elle continuer à manger? Parce qu'on ne se nourrit pas pour le plaisir. On se nourrit pour s'alimenter. Elle devra parvenir à décoder, il faut qu'elle travaille pour finir par donner plus de temps à son corps physique, à son corps vital, à son corps astral, l'âme, à son corps mental, pour être capable d'apprendre à décoder de nouvelles saveurs. Une saveur qui n'est pas celle du palais, mais qui est, disons, celle de l'odorat. Elle doit apprendre à décoder une nouvelle saveur beaucoup plus subtile, qui n'est pas aussi dense, et qui provient uniquement de mets extraordinairement bons pour la santé. Elle doit découvrir ce que c'est que vibrer à un sentiment. La problématique, c'est que lorsque tu regardes un paysage, tu le trouves quoi que ce soit. À un moment donné, tu commences à... ta pensée bloque. Tu ne penses plus devant un paysage. Là, tu es en train de boire son nombre de formes. Tu es en train de t'alimenter énergétiquement. C'est du sentiment. Mais subitement, l'ego commence à s'emparer du sentiment et il le mémorise. Le mémorisant, il en fait de l'émotion. En faisant de l'émotion, il transcrit cela en sécrétion endocrinienne dans le corps physique. Et là, tu commences à sentir ton corps bien. Et là, tu en déduis, je suis bien ici. Mais lorsque l'individu commence à être inhibé de certaines choses, il va arriver devant un paysage aussi fantastique, que ce soit n'importe quoi, ça peut être un corps humain, ça peut être de la nature, ça peut être une étoile, ça peut être belle chose. Et elle va vivre du sentiment, mais parce que là, elle aura une inhibition astrale, elle a donc une évolution plus avancée, elle ne mémorisera pas immédiatement ou pas du tout son sentiment, elle ne pourra que l'absorber, puis quand elle l'a absorbé suffisamment, ça disparaît. Et là, il ne reste aucune trace émotive, c'est-à-dire aucune trace corporelle, aucune trace endocrinienne. Et là, l'ego va dire, c'est plate. Parce que là, il est en train de nourrir sa conscience et non plus sa mémoire. C'est pour ça que la vie semble perdre son goût. Parce qu'avant, elle goûtait par la bouche l'astral. Maintenant, elle va développer un autre sens. Celui-ci doit se tarir, parce que si celui-là est là, il est tellement prédominant que nécessairement, l'autre ne se développe pas. Alors, il vient toujours un moment donné où la personne doit mentaliser, puis si possible, intelligencer, donc être suffisamment solide pour se dire, « Bon, j'avais du goût, je ne l'ai plus. Alors, j'ai plus le goût de vivre. Pourquoi continuer à vivre? » Simplement parce que tu vis. Autant continuer. On verra. Tout d'un coup, c'est dans 2-3 semaines, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Subitement, tout est différent. Ça va être différent. Alors, je disais, première loi, être vivant, hein? C'est pas pour rien non plus. Alors, il y aura effectivement une gustation totalement nouvelle, un néotype de perception de la vie, mais votre cœur n'accélérera pas. Vous n'aurez pas de problème de digestion. Vous ne souffrirez pas si le paysage disparaît. La personne s'en va, vous décidez de vous en aller. Pas de mémoire, pas d'émotion, pas de souffrance. Vous allez rayonner drôlement plus, par exemple. Je répète. Quand vous mangez une pomme, vous la mastiquez, vous absorbez son énergie vitale. Vous l'avalez, vous absorbez son énergie matérielle, vous la digérez, vous absorbez encore de l'énergie vitale. Mais une fois que vous avez mangé la pomme, vous l'avez digérée, le goût de la pomme elle-même, toute la pomme au complet a disparu, c'est fini. Mais ça vous appartient, ça vous fait vivre. L'émotion, ça c'est le sentiment. L'émotion, c'est comme si on mange la pomme, c'est bon au goût, on la rentre dans l'estomac, mais on ne la digère pas. Écoute, je n'ai plus de pomme. Fait que 2 heures après, vous n'avez plus de pomme. Vous ennuyez. Ça vous tente d'avoir une pomme. Vous régurgitez votre pomme, vous la remanchez. C'est l'émotion. Mais à la longue, la pomme ne goûte plus la même chose. C'est évident. Tu retournes chez vous, retournez visiter là où vous avez resté pendant que vous étiez jeune. Ça n'a pas la même saveur. C'est vraiment pas comme on pensait. Vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu depuis 2-3 ans. Il y a des changements dans l'évolution, mais il y a aussi la mémoire qui est changée à force de la nostalgiser. De la conserver, ça s'en va. Alors, c'est évident qu'on va dire, oui, mais une pomme que tu peux mâchouiller longtemps, tu sais, quelqu'un qui mange des arachides, là, puis les garde longtemps, puis il suce, puis les têtes, puis les croque, puis il regarde un petit bout. Puis à un moment donné, il en trouve un morceau, pas une dedans, tu es content. Ça fait un petit bout de mâcher, tu sais. Bon. C'est de l'émotion. C'est comme plaisant, mais ça t'a pas alimenté. Ça t'a pas nourri. Bon, ben, c'est ça. Quels sont les emplois qui se développent, qui font appel à l'intelligence? Pas l'intellectuance. Yep. Il faut pas y répondre, hein? Fin signe. Alors, on peut pas parler. T'as pas lu le reste? Il y avait une question, c'est pour toi. Ah, c'était pas moi qui l'avais dit. Oh, ça s'adressait à toi ici. Mais penses-tu, 350 de parler, c'est toi. Ah, ben c'est... Si c'est moi qui l'avais lu, c'est moi qui aurais dû y répondre. La personne, elle finit ici, mais passe 350$ ou une place dans son séminaire à crédit. Le 350$, le 400 puis le 500 à un moment donné, c'est uniquement pour faire sûr que vous ne ferez pas le séminaire si ce n'est pas le temps que vous le fassiez. C'est que ça. Il n'y a aucun séminariste qui s'est appauvri en faisant le séminaire. Il s'appauvrit sur vous en évoluant, mais pas en faisant le séminaire. Or, non, il n'y a pas de séminaire à crédit. Pour la simple raison que si on le fait à crédit, l'individu va venir là ne pourra pas bénéficier autant de la même chose. Donc, c'est pas bon. C'est comme... ça serait réellement nuire, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Quels sont les emplois qui se développent, qui font appel à l'intelligence, pas l'intellectuance? Si vous exprimez suffisamment d'intelligence pour être engagé dans un de ces emplois-là, faites-vous-en pas, on va vous engager. Alors, ça vaut pas la peine de chercher par l'intellect quel genre d'emploi. Puis on peut donner plein d'exemples, les personnes disent toujours, oh oui, mais ça s'applique à un tel. Ça s'applique à quand l'intelligence sera suffisamment dominante pour s'exprimer, en faites-vous-en pas, vous allez créer votre emploi, on va vous engager, il y aura tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème là. Être conscientisable suffisamment anégoïque qui ne touche pas à l'abondance de temps et d'argent à un moment donné. Puis quand je parle d'argent, c'est parce qu'il a l'abondance en matière, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à continuellement travailler toute sa vie pour rien. Alors il n'y a pas de problème. Ça c'est une réponse plate. C'est une vraie réponse. C'est bon, là-dedans. Elle n'a pas de volume. Conscientiser ou non, quel est le but ultime de notre évolution? Quelle est la place de l'animal dans ce plan évolutif? C'est pas conscientiser ou non. L'animal humain, il a un corps physique, et la seule chose qui est intéressante, c'est sa génétique. Pas l'animal humain. Donc, 99% des habitants de la planète, la seule chose qui est intéressante cosmiquement, c'est leur corps physique, leur génétique. Le corps physique, il s'endurcit à chaque fois que l'être humain vit des problèmes. L'être humain vit des problèmes, il vit de l'émotion. Vivant de l'émotion, il sécrète au niveau hormonal. Sécrétant au niveau hormonal, il attaque son corps physique, il le vieillit, le rend malade, il le détruit. Parce que de temps en temps, il a aussi des enfants. Ce qu'il a réussi à solidifier dans son corps, à cellulariser, il le transmet génétiquement à ses enfants. Parce qu'on a des enfants toujours en très bas âge, jamais plus tard. L'enfant n'a pas la possibilité dans sa génétique de bénéficier des 40 ans de vie de sa mère et de son père. Bon. Alors, l'évolution se fait progressive et lente. À travers des millions d'années, on en arrive à des génétiques plus solides et plus convenables. Et c'est juste ça qui est important, la génétique, parce qu'à un moment donné, l'intelligence, la conscience, l'esprit de l'humain va descendre dans des corps physiques suffisamment évolués pour être capable de le supporter. Alors, ceux qui sont des animaux humains, il y en a un qui perd un bras, il y en a un qui a un accident d'auto, il y en a un qui a ci, il y en a un qui a ça, etc. Toute leur vie au complet, ça ne les regarde pas. C'est leur génétique. Ils sont assujettis à l'évolution sécrétative, c'est-à-dire qu'ils vivent des hauts et des bas uniquement au point de vue émotif. La religion te fait vivre de l'émotion, la vie te fait vivre de l'émotion, le couple te fait vivre de l'émotion, les enfants, les parents, tout est basé sur vivre de l'émotion. Parce que ça s'exprime dans le corps physique par les voies endocriniennes et ça transforme le corps physique. L'être humain, lui, va toucher à une autre forme d'évolution qui est celle de la descente de l'esprit dans le corps physique. La descente de l'esprit dans le corps physique, ça veut dire que, la descente de la conscience, hein, notre descente de la conscience qui fait que de temps en temps, on se dit, voyons donc, je suis bien niaiseux, bien niaiseuse. L'aide de la conscience est colorée, mais c'est ce qui amène ce genre de procédé mental qui est la conscience. La descente de la conscience dans le corps physique va progressivement faire en sorte que l'humain se désassujettisse de l'évolution animale, donc de l'évolution sécrétatoire. Pour que progressivement, il sécrète de moins en moins, d'où une perte de gustation de la vie, il va vers le sentiment. Le sentiment mute le corps physique sans altérer le corps physique. Le sentiment a la faculté d'énergisation dans le début, comme peut-être après une conférence, et bien souvent après la conférence, on descend un petit peu, des fois on se sent dépressif, mais c'est On est revenu au niveau avant la conférence et tout, on n'est pas plus bas. Et progressivement, par le fait de boire l'onde de forme, on arrive à une énergification. Où là, il y aura une transformation physique, pas par l'expérience, pas par l'émotion mauvaise ou positive, qui de toute façon est destructrice, mutative, évolutive quand même. Le corps se change uniquement parce que le corps doit changer et se change plaisamment en fonction de recevoir plus d'intelligence. Donc, conscientiser ou non, une grosse nuance entre l'un et l'autre, quel est le but ultime de notre évolution? Uniquement gérer le corps physique, gérer la mécanique des mémoires, l'âme, gérer la mécanique du temps, l'illusion, de façon à réunir le passé, le présent et l'avenir dans une forme d'instantanéité qui va faire en sorte que tout ce que vous connaissez ne sera plus. En séminaire, ce que j'explique, c'est que le rôle de l'homme, c'est de retourner vers le centre source, spirituellement retourner vers Dieu, ésotériquement retourner vers le centre source, puis consciemment, c'est de faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Donc, l'être humain va se retrouver, si ce ne sont pas l'être humain, la conscience, vous, en tant que conscience, fusionner à travers d'autres consciences, allez vous retrouver au-delà de la création. Maintenant, il y a plusieurs gestions créationnelles dans ce que nous connaissons comme création, c'est-à-dire qu'il y a des univers qui apparaissent régulièrement et des univers qui s'estompent. Mais le rôle fondamental de l'homme, la création est accidentelle, le rôle de l'homme n'est pas accidentel. Sauf que parce que l'être humain est descendu dans un trou extrêmement froid, il a tellement gelé qu'il ne sait plus trop ce qu'il fait là. Il a abouti dans de la matière. La matière, c'est de la mémoire. La matière est de la mémoire. Le verre ici conserve sa forme parce qu'il a une mémoire de sa forme. Bon, même si par la suite ça devient atmosphérique, ça devient astral dans un corps physique, etc., ça reste de la matière, ça reste de la mémoire. La conscience de l'homme, c'est de tout transformer les archétypes expérientiels, de faire en sorte que l'être humain finisse par être existentiel et non pas expérientiel, et par la suite qu'il devienne post-existentiel, c'est-à-dire que l'être humain fait la conscience de l'homme, on ne parle même plus des phénomènes corporels, s'élimine. Alors, il y a des processus de réincarnation pluralitaire fusionnaire qui font en sorte qu'à un moment donné, l'humanité va parvenir à se réincarner dans sa globalité. Les 300 millions de milliards d'êtres humains qui ont vécu vont se réincarner, fusionner dans 144 853 corps physiques et progressivement dans 12 000 corps physiques et progressivement dans etc., jusqu'à ce que la mécanique au complet de la gestion du temps soit éliminée. C'est le rôle de l'homme, c'est évident, et de la femme. C'est évident que quand on en parle directement comme ça, ici, c'est un peu... Ça, des fois, quand on pose des questions similaires, on peut passer deux jours à parler juste de ça, mais là, c'est plus clair. Notre devenir en tant qu'individu répond-il à un plan évolutif individuel ou à un plan collectif? Il répond à un plan collectif, totalement collectif, sauf qu'il y a deux formes de collectivité. Une collectivité qui autorise la liberté de l'individu, dans la conscience, donc l'évolution solaire, l'évolution de l'être humain, et une évolution collective archangélique qui, elle, dirige les masses sous forme de troupeaux. C'est ce qu'on a à l'échelle de la planète en majorité. Si l'on est détaché du résultat, pourquoi assurer son auto? Si on est détaché du résultat, on assure son auto uniquement pour que personne vienne la voler. C'est ça. Tu peux être détaché du résultat et te la faire voler. Tu ne souffriras pas plus, mais il va falloir quand même que tu marches. Alors tu l'assures simplement parce que ça ne demande rien au niveau de l'astral. Par contre, ce qui va arriver, la personne ici, là, elle a aussi raison. On parle de détaché du résultat. À l'instant où vous allez commencer à être un peu plus anégoïque, centré dans votre intelligence, vous ne l'assurerez pas non plus. Parce qu'on ne vous la volera pas non plus. Mais étape par étape. Alors, l'exemple que je donnais était dans un contexte particulier. Lorsqu'on parvient à faire la différenciation, c'est-à-dire que l'on voit la manipulation, comment peut-on orienter notre cheminement, occupation, métier, etc., tout en étant sûr que l'on n'est pas encore manipulé par ce que nous sommes? Autrement dit, comment parvient-on à être dans son énergie? Signé moi. Alors, cher toi, Lorsqu'on parvient à faire la différenciation, c'est-à-dire que l'on voit la manipulation, c'est une bonne chose. Comment peut-on orienter notre cheminement? On ne peut pas orienter notre cheminement. Bon. Occupation, métier, etc. Tout en étant sûr que l'on n'est pas encore manipulé. Vous resterez manipulé par de l'intelligence. Exactement comme si vous voulez un biscuit, ben restez assis. À un moment donné, il y a quelqu'un, un enfant qui passe, puis en passant près de vous, il échappe un biscuit sur la table. Là, vous vous dites, voilà mon biscuit. La mentalisation qui est un grand problème chez ceux qui évoluent, qui est utile, nécessaire, qui devient un grand problème, comme l'ego, l'astral était utile et nécessaire, devient un problème, il faut lui dire, bon, mais là, qui dit que c'est mon biscuit? Si je le prends, je suis manipulé, c'est comme si on avait fait exprès pour le mettre à table. Oui, tu es manipulé, mais parce que tu as besoin. Alors, à un moment donné, si je roule sur le métropolitain, sur les routes métropolitaines, c'est complètement congestionné, puis là, je vois une sortie à Saint-Michel qui est vide, je suis manipulé à la prendre. Mais ça m'arrange. Alors, l'être humain ne peut pas se dire, à un moment donné, bon, comment puis-je gérer? Je m'en vais sur le métropolitain, puis là, je me dis, ah tiens, je vais dégager Saint-Michel. Tu manipules les choses. Non. Autrement dit, comment parvient-on à être dans son énergie? En continuant à faire exactement ce que vous faites. C'est comme ça. Une question plate. Une réponse plate plutôt. Mais c'est ça. En continuant à faire ce que vous faites. Puis c'est frustrant, c'est stressant, c'est chiant. Faut mettre les mots pour que l'ego comprenne. Sauf qu'en réalité, si je vous explique comment votre ego va l'apprendre, voulez-vous qu'il l'apprenne et qu'il s'en serve contre vous pour vous forcer à trouver d'autres choses après? Alors, je ne l'explique pas. C'est comme de dire, comment puis-je faire ceci? Ben, en faisant ça. Parfait. Deux semaines après, ça n'a pas marché, l'ego le sait. C'est ça. Il faut que je t'explique une autre façon. Puis un autre. Jusqu'à temps que tu en trouves une. Puis quand tu vas la trouver, c'est par ton mental. L'ego ne sera pas au courant. Il va être au courant à un moment donné, mais le mental va être tellement structuré pour l'appliquer que l'ego ne pourra plus t'en empêcher. Alors, il y a une grande part de la question ici qui est, continuez à faire ce que vous faites. Est-ce que lorsqu'on rêve à quelqu'un, on se rend compte vraiment dans l'astral? Quand on rêve vraiment à quelqu'un, on rencontre vraiment la mémoire de ce quelqu'un. On ne rencontre jamais la personne, mais on rencontre vraiment sa mémoire. Un homosexuel, c'est un homme habité par l'homosexualité. Question. Ben, c'est évident. C'est évident. Demandez à un hétérosexuel. Tu as choisi d'être hétérosexuel? Ben non, c'est normal. Ben, c'est ça. Demandez à un homosexuel. Tu as choisi d'être homosexuel, c'est la même chose. Ah, il ne dira pas que c'est normal parce que la société lui a bien fait comprendre que c'était anormal. Mais qui décide d'être hétéro ou homo? Ou les deux? Ben, qui? Les hommes qui ne sont pas capables d'être homosexuels, ben approchez-vous d'un autre homme et caressez-le. Pas capable, hein? Ben, l'homosexuel, il vit exactement la même chose en face de l'autre sexe. Puis c'est sûr qu'on parle de normalité, la normalisation, c'est important, etc. Ça fait souffrir des gens. Puis ça nous permet à nous de rester archétypés. La problématique de l'homme et de la femme, c'est que chaque fois qu'ils vivent un sentiment entre eux autres, l'archétype vient immédiatement les ramasser pour leur dire, depuis des millions d'années, quand les animaux ont vécu ça, c'était pour les amener à la procréation. Parce que maintenant, on ne veut plus procréer, ben on fait du zigouzi, mais on se protège. On empêche les gens de se réincarner quand on veut pas. On prend des préservatifs, mais on a encore des relations sexuelles. Sauf que la problématique, c'est que quand un homme rencontre un homme et que les deux vivent une synergie entre eux autres, l'archétype vient leur dire, bon, ben vous vivez une synergie, c'est ça que l'homme et la femme doivent vivre. C'est vrai. C'est ça que l'être humain doit vivre. Avec l'enfant, avec l'homme, avec la femme. Sauf que parce que ça vire toujours vers la sexualité, il y a des tabous religieux et archétypaux qui vont finir par dire, pas entre les hommes, pas avec les enfants. entre les deux sexes. Parce que ça va venir à la sexualité. C'est pas des enfants forts entre deux femmes ou entre deux hommes. Pas que des enfants. Sauf que la problématique, c'est que dans le néotype, plus ça va aller, plus il y a des êtres humains qui vont être capables de rayonner, de vibrer, de se synergiser avec un autre humain. On ne parle pas de sexe. Un autre humain. Et l'archétype va encore leur dire, oui, mais notre relation, elle est sans issue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un gars, tu es une fille. Puis on vibre, comme je ne vibre même pas par femme à ton mari. Ça n'a rien à voir. Quand vous vivez avec un paysage, là, vous pouvez retourner le voir, votre relation, elle a une issue. Mais là, immédiatement, notre relation est sans issue. Pourquoi? Bon, on ne pourra pas faire l'amour ensemble. Tout prendre le sentiment pour le transformer en émotion sexuelle, en sécrétion endocrinienne. Mais dans le néotype, à un moment donné, ça va se vivre, puis il n'y aura pas de relation sexuelle. Parce que les homosexuels, à un moment donné, la majorité, se font ramasser par l'archétype de couple. Ben, ils vont vivre des mécaniques qu'ils vivraient qu'une femme. Ils ne vivent pas qu'une femme. Tu nais homosexuel. Toi, génétiquement, ça t'amène là. Bon, tu n'étais pas quand tu étais jeune, tu es devenu à un moment donné, ben oui, des transformations au niveau génétique, maintenant c'est acquis. Mais n'empêche que tu le deviens. Ici, la problématique, elle est uniquement parce que il y a une problématique. Pas parce que tu es homosexuel. Rien n'est utile, tout se fait inévitablement. Donc, si rien n'est utile, rien n'est futile, puisque l'un se définit par rapport à l'autre. La rétraction de l'univers fait et fera qu'inévitablement nous serons de plus en plus conscients, moins grossiers. Nous sommes comme une fleur qui pousse, se plaint du malheur de l'existence et retrouve la terre sans forme de graisse. Il ne pouvait en être autrement. Alors, pourquoi se poser des questions? Pourquoi se poser des pourquoi? Personne n'a raison, sauf qu'il y a des petites choses encore qui sa conscience va aller chercher. Pourquoi se poser des pourquoi? C'est simple, posez-vous-en plus. Vous n'êtes pas capable? Voilà. Vous devez répondre. Maintenant, continuons à travailler pour cesser de se faire ramasser. Il y a une force motrice, mémorielle, qui pousse à l'expansion, et il y a l'homme qui travaille pour la régression, le retour des choses. Pourquoi les pourquoi? Pour la simple raison qu'à chaque fois qu'un peu d'intelligence traverse l'humain, l'intelligence n'est pas toute absorbée. Le trou qui est laissé est la question. La réponse, c'est ce qui est passé, qu'on n'a pas réussi à gober. Et en travaillant avec le pourquoi, ben, l'être humain est obligé de continuellement chercher dans le passé. Dans le passé, il ne trouve pas le neuf, donc progressivement, il se tourne vers le neuf. Ça permet à... Parce que c'est évident que tout ce que nous faisons est déjà fini, c'est déjà accompli. Sauf que, dans la mémoire où nous sommes placés, créature du temps, ah ben, c'est pas fait. Et que tu souffres ou que tu ne souffres pas, la souffrance n'existera même plus. Sauf qu'en attendant, pendant que tu es là, c'est préférable de marcher en Rolls-Royce. Votre séminaire véhicule-t-il à peu près les mêmes informations que votre livre de la naissance à la mort? Non. J'écris le livre après de toute façon, et puis en plus dans le séminaire, je réponds aux questions. Alors si vous posez des questions sur le livre, oui. Puis, si vous posez des questions sur d'autres choses, non. Par contre, une chose intéressante, c'est que dans le livre, on peut apprendre. Dans le séminaire, c'est pas juste apprendre. On comprend, puis des fois aussi, on vit des choses. Les chercheurs ont fait compter des fleurs, fruits, animaux, etc., en distorsion de temps, pour voir ce qui arriverait, et cela en pérégrination mentale. Curieusement, un de ces animaux imaginaires a souillé de façon que nous qualifions de réelle la personne qui confirmait ou qui confiait en imagination, ce qui n'a rien pensé en ce cas. Rien n'existe ni personne, bien que nous soyons là et l'univers aussi. Parallèlement, quand on m'avait expliqué que la création durait un jour de... Brahma, oui. Très, très longue période de temps. Puis Brahma s'endort et la création est résorbée jusqu'à son réveil. Il ne semblait que si belle situation, c'est un peu roman, là. Je vais essayer de trouver la question. Vos commentaires, s'il vous plaît. Ah, oh, mais si tu lis pas, comment je donne mes commentaires? Ben, c'est parce que faut le temps de lire un livre. Brahma. Brahma, il s'endort de temps en temps, puis quand il se réveille, on recommence. Brahma est donc un imbécile. Et pourquoi l'humain se dit que, justement, que la création se résorbe, c'est expansion, régression, expansion, régression? C'est uniquement parce que tout ce que nous avons connu expérientiellement qui a permis la constitution de nos cosmogonies a toujours été des choses cycliques. Et c'est pourquoi l'humain projette aussi dans même le phénomène créationnel la mécanique cyclique. Et c'est là qu'il a tort. Et quand on dit, bon, ça n'existe pas, c'est ça, tout cela est totalement vrai, sauf que cela existe aussi. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a, ça dépend simplement de l'observateur. L'observateur, c'est la conscience de l'homme, mais c'est aussi la mémoire de la conscience, donc c'est sa mémoire, son astral, sa psychologie. Rien n'existe s'il n'y a pas d'observateur. L'observateur peut être mécanique, il servira après ça à l'humain. Alors, quand on parle de monde d'illusion, c'est vrai, mais il faut faire attention, c'est que l'illusion est réelle. Est-ce que l'évolution passe par l'astral? Ben oui. Comment combattre la peur dans l'astral? Ben, on n'a que s'en foutre de la peur de l'astral. Moi, dans le rêve? Dans le rêve, comment se combat la peur? C'est dans l'astral. Mais dans le rêve, comment tu combats la peur, tu es manipulé. À un moment donné, en continuant à évoluer, en continuant à poser des questions, en continuant à te synergiser, en continuant à vivre de ta conscience, en continuant à discerner entre le mental et l'astral, en continuant à discerner quand c'est toi qui fais une chose et quand on te fait faire une chose, progressivement, même dans le rêve, tu finis par cesser de te faire violer. Y a-t-il un danger d'avoir peur? Ça dépend de la peur que vous avez, mais un danger, non. Si vous avez peur en mourir, c'est pas un danger, vous êtes mort. Il n'y a pas de danger à avoir peur, sauf que la peur, elle est souffrante, elle est nuisible, elle n'est pas utile quand on se conscientise. Elle est utile lorsqu'on n'a pas suffisamment d'intelligence d'exprimer, donc là, elle est utile parce qu'elle nous limite. C'est comme moi, je ne joue pas avec des bâtons de dynamite, pas parce que j'ai peur, parce que j'ai pas besoin de jouer avec ça. Et si la personne n'est pas suffisamment avancée, comme les enfants, souvent c'est préférable qu'ils aient peur, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de conscience pour comprendre les dangers. Alors, sauf que l'enfant Teflon, lui, il a suffisamment de conscience. Maintenant, il faut qu'on cesse de lui expliquer des raisons émotives. Et parce que la peur, ce ne sera pas le frein. Alors là, il y a des problèmes. Il faut maintenant lui donner des raisons de conscience. Pourquoi fait-il noir quand je prends conscience que je suis dans l'astral, je pense? Pour la seule raison qu'à l'instant où un observateur de conscience apparaît dans un phénomène de mémoire, tout ce qui est mémoriel essaie de disparaître et de se pousser. Ça fuit. Quand vous aurez énormément peur, vous êtes capable de conscientiser que vous avez peur, de voir la peur, vous allez aussi vous rendre compte que la peur n'est plus là. Et là, vous dites, crime n'est plus là. Regardez, elle est encore là. Vous étiez mort dans votre conscience et elle est revenue immédiatement. C'est pourquoi la personne, à l'instant où elle commence à être là, ça s'en va. Explique le phénomène des savants disciples. Leurs exploits sont-ils reliés à la mémoire ou à un savoir instantané? Ce sont des contacts avec de l'information supplémentaire, donc l'information d'esprit placée dans l'astral. Alors, c'est une forme de connaissance instantanée. C'est une expression instantanée d'un savoir mémorisé. Pas coloré par leur présence, vu que leur présence n'est pas forte. Voilà. S'il vous plaît, explique le dernier exemple sur la personne qui veut partir du Québec et l'entourage de son partenaire. Là, la question, il manque quelques morceaux ici, là, il y a dehors, ça y est, all in, t'as pas tout vu. Je ne me rappelle pas de l'exemple, hein? Je ne me rappelle jamais de ce que je dis de toute façon, ça me permet de ne pas trop me culpabiliser d'avoir parlé. Partir du Québec et l'entourage de son partenaire, on pourrait revenir dessus parce que j'ai 25 réponses que je peux donner en même temps là-dessus, alors... Est-ce que l'esprit peut canaliser de l'information intelligente via un outil comme le tarot, ou si tous les outils divinatoires nous relient et nous entretiennent uniquement avec le monde de l'astral? Regardez ceci, vous allez prendre votre jeu de tarot. Pourquoi vous n'avez pas posé la question au jeu? Alors, vous prenez vos 22 lames, par exemple, les autres ne servent à rien. Vous prenez les arcanes principales, et puis vous posez la question. Même chose. Est-ce que l'esprit peut canaliser de l'information intelligente via un outil comme le tarot? Oui, la réponse c'est oui. La problématique, c'est que l'être humain, bien souvent, c'est son corps astral qui va se servir comme support médiatique, support matériel des jeux de cartes, pour se permettre de créer une stimulation chez lui, permettant d'avoir accès à une information qu'il ne s'autorise pas à avoir accès sans les tarots. Alors un jour, je restais à Chicoutimi, et puis je n'avais plus tellement d'argent, parce que ça faisait longtemps que je ne travaillais pas, et je décide de promener un peu dans les rues, puis de ramasser les poubelles vendables. Et je m'en vais au marché aux puces, et puis là, je vends les poubelles. Sauf que ça ne se vendait pas fort. Alors, ma femme me dit, c'est ton jeu de tarot avec toi, ça, tire aux cartes, peut-être qu'on va faire plus d'argent. Alors, je m'installe sur une boîte de carton, mets une guenille par-dessus, puis là, je mets tarot 5$. Une personne qui vient, deux personnes qui viennent, trois personnes qui viennent, quatre personnes qui viennent. Je m'en donnais pas ça à 10$. Puis là, il y avait du monde en masse, le marché aux puces était plein. Et à un moment donné, quand je suis sorti de ma table pour aller faire un tour, je me suis rendu compte que le marché aux puces n'était pas plein. Il y avait une grande file simplement qui attendait ce tir aux cartes. Mais les tarots étaient exacts. Sauf que je n'avais pas besoin des tarots pour leur parler. Et personne n'aurait payé 10$ pour que je leur parle. Je payais tout 10$ pour que je leur tire aux cartes. Parce que l'humain, on ne peut pas faire confiance à ça. Mais des cartes, une boule de cristal, des marques de thé, un livre sacré, ça, on peut faire confiance à ça. C'est ça, le problème de l'homme. N'empêche que l'intelligence peut traverser, sauf que c'est un être intelligent qui doit lire. Et lorsque l'être intelligent commence à lire, plus souvent qu'autrement, il n'a pas besoin des cartes. Sauf s'il a trop d'ego. S'il a trop d'ego, lui aussi aura un problème. Ne se faisant pas confiance à lui, il fera plus confiance à l'intelligence qu'il va sortir s'il dit à son ego que c'est à cause des cartes. D'où le fait que le tirage peut devenir intéressant. Mais encore une fois, une personne qui se tient pour lui-même, étant donné qu'elle a encore trop d'ego, elle ne peut pas faire confiance à ce qu'elle va se dire. Tu t'imagines avec un turban et un point noir dans le front pour tirer au cartes? Non, je n'ai pas été jusque-là. Non. Maintenant, je pourrais, remarque. Ça ne me dérangerait pas trop, mais à l'époque... Je voudrais qu'il y aurait du monde. Quelle est la différence entre l'ego et l'anti-homme? L'ego, c'est une partie de l'anti-homme. C'est-à-dire que l'anti-homme, c'est une partie de l'ego. Il y a des mémoires d'enfants qui s'incarnent chez vous, de nouveau-nés, les vôtres, l'expérience quand vous étiez extrêmement petit, bébé. Et ça, ça crée une partie de l'ego qui est capable d'accepter le neuf. Par contre, il y a en réincarnation et en expérience qui va finir de constituer l'ego. Toutes les mémoires qui, eux, ne s'adressent qu'au passé, à la tradition, en arrière, sécurité, etc. Et la petite partie qui est là, elle accepte le neuf. Alors l'intelligence, votre conscience peut traverser, elle accepte le neuf. C'est l'enfant chez l'homme ou chez la femme. Et tout le reste complet, c'est l'adulte, c'est l'anti-homme. Il est anti-libération de la conscience de l'homme, de la femme, évidemment. Alors, c'est là qu'est la nuance. Est-ce que la nature ou des entités qui me manipulent lors d'un white dream ou rêve blanc? Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Quelle que soit la forme du rêve, que ce soit un rêve, par exemple, où l'individu est dans une conscience lumineuse sans perception informative, sans perception formique, image imagée de son rêve, qu'elle soit dans un rêve totalement spirituel où il n'y a que du plaisir ou de la beauté, du paradis, etc., elle paradise son ego, elle est totalement manipulée par la nature, oui. La nature, de toute façon, est totalement associée aux mécaniques astrales qui, dans les religions, peuvent s'appeler Satan, qui, eux, donnent des ordres, c'est l'astral, le monde de la mort, qui donnent des ordres aux mécaniques belzébutiennes qui sont la... la mécanique, l'interpréteur actionnel, c'est le phénomène qui permet d'ordonner aux animaux, d'ordonner aux plantes ou d'ordonner simplement la matière. Alors la personne, elle reste manipulée, même chose. Y aura-t-il des personnes qui pourront conserver leur corps physique si elles sont fusionnées? Oui. Ok, c'était mieux parce que sinon, il y aurait une autre question. Parfait, passons. Oui, il y en a d'autres? Oui. La maladie d'Alzheimer et le Parkinson sont-elles dues à la descente de l'énergie supplémentaire au cerveau? Non. Par contre, quand le cerveau commence à vivre certaines transformations, il y a des parties du cerveau qui décodent ou qui envoient des informations qui sont fausses. Décoder un DRS, par exemple, une douleur rétrosternale, ce qu'on va vivre quand on fait une crise d'angine ou un infarctus du myocarde, crise de cœur, et bien souvent, l'onde, le QRS de l'électrocardiogramme ne révèle rien. Pourquoi? C'est le cerveau qui détectait un malaise alors que le malaise n'existait pas. Il peut y avoir Alzheimer, il faut faire attention encore une fois, c'est une maladie, c'est une dégénérescence neuronique qui est facilement évitable si l'individu est capable de travailler de l'isométrisation cérébrale pendant une partie de sa vie, donc être capable de développer d'autres facteurs de communication au niveau de son cerveau. Les parties qui vont finir par s'en aller, on n'a rien à foutre. Bon, parce qu'il y a d'autres parties qui vont travailler à la place, ça ne dérange pas. Sauf que puis le Parkinson, c'est un peu la même chose. Il y a des dépolarisations ectopiques qui se font à un moment donné, alors il y a des tremblements. L'individu pourrait, le problème à la mutation supplémentaire peut amener ce genre de symptômes, mais elle ne donne pas la maladie. C'est-à-dire qu'une personne qui a des spasmes de temps en temps, elle va finir par les perdre, ces spasmes. Dommage, elle va perdre encore quelque chose, en tout cas, elle va perdre ses spasmes. Et si elle a des pertes de mémoire, ça ne dérange pas non plus, à un moment donné, elle va recouvrir une mémoire qui est une mémoire instantanée, donc elle aura accès simplement à d'informations sans avoir une mémoire biologique. Ces deux maladies-là ici ne sont pas les symptômes de la descente supplémentaire, ce sont les symptômes simplement du fait que l'humain, collectivement, ne développe pas suffisamment son cerveau pendant sa jeunesse, ça veut dire ça, 100 années en descendant. Les feux de pneus qui font rage dans une des banlieues de Toronto ont-ils un effet considérable de pollution? Ça envoie énormément de gaz carbonique à l'échelle atmosphérique, ce qui est extrêmement intéressant pour les intraterrestres qui en ont besoin pour réchauffer la planète. Alors, ça pollue. Qu'est-ce que le prana? L'énergie vitale, c'est la même chose. Le yin et le yang de l'acupuncture. Le prana, c'est l'énergie ominale. Similaire au yin et yang inconnu de l'acupuncture, c'est l'énergie vitale. Est-ce que toutes les souffrances que l'on vit veut dire que nous avons automatiquement quelqu'un d'un élément négatif, soit un démon en nous? Non, c'est un baromètre, par contre, qui vous fait dire, êtes-vous convenable ou non? Êtes-vous dans votre trou ou non? Vous êtes un peu à côté, vous avez des irritations sur le mur, voilà les souffrances. Je suis épuisé par une énorme manie, phobie. J'ai une voix qui me pousse à le faire, elle est de plus en plus forte, elle me fait souffrir dans l'action que je me pose et je sais que ce n'est plus moi qui agis. Est-ce que la solution est de ne plus le faire et à ce moment-là, elle disparaîtra automatiquement? Non, continuez à le faire, intelligencez, c'est une galère mentale. Donnez des bêtises à l'entité qui vous force à le faire. Vous êtes obligé de boire, je bois encore, mais t'es un maudit, puis gueulez après, pas après vous. Parce que trop lutter contre, ça risque de détruire votre corps physique. Faire en intelligençant progressivement, ça va se résorber. Vous mettrez une bavette, je vais essayer de parler en buvant, ça se voit partout. C'est lui qui...